Chapitre 8e. Affreuse vision. Cependant, il résolut de donner le change aux bandits en feignant d'obéir à leur impérieuse injonction. Il annonça à l'hôtel que, n'ayant plus rien à faire à Rambouillet, il rentrait à Paris où on le réclamait à son journal. Il se fit régler sa note et fit porter sa valise à la gare. Il raconta la même chose à M. de Coninck, mais en ajoutant qu'il ne s'en allait pas définitivement et qu'il comptait bien revenir lui rendre plus d'une visite. « Je vais, dit-il, demander à mon directeur un congé de quelques jours pour aller dans le Poitou, voir ma famille, et lui annoncer que j'ai trouvé une épouse à mon gré. À mon retour, je reviendrai vous voir. Mais quel que soit le résultat de ma visite à mes parents, soyez assurés que je ne renoncerai pas à Mademoiselle Marthe, envers laquelle je me considère comme engagé. »« C'est un homme loyal, répondit le tailleur. À bientôt donc, à bientôt. » Marthe et Madame de Coninck l'accompagnèrent à la gare et il partit. Son premier soin, en arrivant à Paris, fut de se rendre à la préfecture de police au bureau de la Sûreté. Il y fut assez froidement accueilli. Ses camarades n'étaient pas très flattés de le voir revenir bredouille. C'était pour la brigade une sorte de déshonneur. Heureusement, le chef ne fut pas aussi sévère que pouvait le redouter l'inspecteur. Il lui fit raconter l'aventure dans tous ses détails, puis « Mon garçon, dit-il, voilà ce que c'est que d'être trop présomptueux. Vous avez voulu à vous seul mener une entreprise au-dessus de vos forces. Et non seulement vous n'avez pas réussi, mais vous avez probablement compromis pour toujours le succès de cette affaire. « Que devais-je donc faire ?» demanda Berton. « Solliciter le concours de la gendarmerie ?»« Non, car elle voulut probablement accorder de mauvaises grâces, mais me prévenir. Je vous aurais envoyé un ou deux vieux routiers, avec lesquels vous auriez mené l'affaire à bonne fin. » « C'est vrai, » dit l'inspecteur avec un soupir. « Mais s'il faut vous faire un aveu, chef, ce n'était pas tout à fait le sentiment du devoir et l'amour de la gloire qui me poussait. J'avais une autre raison, et laquelle ?»« J'ai rencontré là-bas une jeune fille dont je suis devenu amoureux. »« Ah, hein ? Oh, mais pardon, amoureux pour le bon motif. Je vais en faire la compagne de ma vie. »« Bon, alors ?» dit le chef en souriant. « Malheureusement, vous le savez, je m'étais donné là-bas comme rédacteur du grand journal. » Et pour me marier, il faudra que je fasse connaître mon vrai métier, évidemment. Et je me disais qu'en faisant un coup d'éclat, en débarrassant le pays des bandits qui le terrorisent, je n'aurais plus de honte à avouer ma supercherie. Et vous avez mis à côté du mille, mon pauvre garçon. Alors, maintenant, que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Eh bien, moi, je le sais. D'abord, je ne veux plus que vous retourniez à Rambouillet. Avant un certain temps, du moins, il faut laisser s'oublier cette mésaventure. Vous avez raison, pourtant. Pourtant, vous voudrez bien la revoir, pour que quelque âme charitable lui apprenne que c'est vous qui êtes chargé de découvrir les bandits, que vous avez été bafoué par eux et qu'elle se moque de vous. Oh ! S'écria vivement Berton, elle en est incapable. Pouah ! Vous ne connaissez pas encore les femmes, c'est avec elles surtout que le ridicule tue. Enfin, voulez-vous m'écouter un peu ? Parlez, chef. Êtes-vous disposé à travailler ? Mais je suis à vos ordres. Je vais vous charger d'une enquête qui demandera, pour être bien menée, au moins 5 à 6 jours. Une fois que vous l'aurez terminée, si je suis content de vous, je m'occuperai moi-même de vos amours. Vrai, chef, vous seriez cela? Pourquoi pas? Ne suis-je pas votre père à tous, mes braves défenseurs de la société qui vous en remercient par des sarcasmes? J'irai voir le père de votre Dulcinée. Je lui expliquerai ce que vous êtes, ce que vous valez. Et soyez tranquille, je suis un bon avocat quand je m'intéresse à la cause que je défends. « Oh ! S'écria l'inspecteur tout joyeux. « Si vous faites cela, chef, demandez-moi ce que vous voudrez, je passerai dans le feu pour vous obéir. »« Bon, avant de passer par le feu, occupez-vous de la mission dont je vais vous charger et tâchez de la mieux remplir que celle de Rambouillet. Pas d'étourderie, hein ? Soyez tranquille, chef, je suis guéri. Alors écoutez bien. » Ce que le chef de la sûreté avait à demander à son inspecteur était très délicat. Il s'agissait de se renseigner sur un homme qui menait à Paris la grande vie, fréquentant les milieux les plus aristocratiques, se targuant des plus hautes relations et qu'on soupçonnait de n'être qu'un aventurier, un escroc d'autant plus dangereux. Berton s'occupa avec ardeur de cette enquête. Au bout de 4 jours, il était fixé. Le personnage en question n'était autre qu'un ancien officier cassé pour malversation, qui se parait d'un titre qui ne lui appartenait pas et vivait aux dépens des naïfs que son aplomb étourdissait. Il y en a comme cela des centaines à Paris qui font partie du public élégant, vont à toutes les premières, sont invités partout, et finissent la plupart du temps à La Santé ou à Melun, à moins que ce ne soit à Poissy. Le chef de la sûreté lui avait accordé 5 à 6 jours, le 4e au soir il avait terminé ses recherches. « Ma foi, tant pis, se dit-il, c'est plus fort que moi, il faut que je voie Marthe. » Il courut à la gare Montparnasse, mais il arriva juste pour voir partir le train de 6h30. Très contrarié, il s'informa du prochain. On lui dit qu'il y en avait un autre à 8h40 qui arrivait à Rambouillet à 9h36. « Bon, se dit-il, ils ne seront pas encore couchés. Je pourrais passer une demi-heure près d'elle. » Le train, par hasard, n'eut pas de retard en route. Il arriva à l'heure juste. Berton descendit, sortit de la gare et se dirigea vers la maison du tailleur. Comme d'habitude, il vit la lumière à travers les volets, et en y appliquant son œil, il aperçut le paralytique assis à son établi, le dos tourné vers la porte. À côté de lui, Marthe cousait à la lueur d'une lampe. Il frappa 3 coups discrets. La jeune fille ne parut point l'avoir entendu. Il frappa alors un peu plus fort et subitement la lumière s'éteignit. En même temps, la voix de Marthe demanda « Qui est là ?»« C'est moi, mademoiselle Marthe, » dit-il, « Monsieur Berthier, qui vient de Paris pour vous dire bonjour. » Il y eut un bruit comme si l'on avait déplacé des meubles. Berton se demandait ce que cela voulait dire et pourquoi on ne venait pas lui ouvrir. Enfin, il entendit tirer les verrous et Marthe parut sur le seuil. « Vous ? » s'écria-t-elle d'une voix altérée. « Vous ici ? Mais quoi d'étonnant ? » répondit Berton, surpris de cette réception. « J'ai eu ma soirée libre et j'en profitais pour venir vous voir. » Mais elle ne semblait pas comprendre ce qu'il lui disait. Elle reprit toujours du même ton. « Allez-vous-en, vite, vite. » « Pourquoi ? Qu'ai-je donc fait pour que vous me parliez ainsi ? Sauvez-vous, vous dis-je, s'il vous surprenait ici. Eux ? Qui eux ? Mais pour que votre père ne me parle-t-il pas ? Je l'ai vu tout à l'heure. Où donc est-il ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je vous en supplie. Par tout ce que j'ai de plus sacré, sauvez-vous. Dans quelques minutes, il sera peut-être trop tard. « Mais encore ? » insista l'inspecteur. « Mais partez, partez donc ! » s'écria Marthe en se tordant les bras avec désespoir. « Écoutez, demain, oui, demain, je vous expliquerai tout. Demain, ici, non, ne venez plus ici. J'irai vous voir, à Paris, chez vous, et je vous dirai. Mais vous savez donc mon adresse ? Oui, oui, mais partez donc. Voulez-vous me faire mourir de terreur ? » Ne sachant que penser, le jeune homme n'osa plus insister. Il se recula et dit seulement « Alors, demain ? » ?»« Oui, demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais à tout prix, je vous verrai. Maintenant, partez vite. Les minutes sont des heures. Adieu. » « À demain, à demain !» Elle referma la porte. Berton, complètement abasourdi, s'en retourna vers la gare. Un train était en station, il n'allait qu'à Versailles. Mais l'inspecteur se dit qu'ensuite il lui serait facile de se rendre de Versailles à Paris. Il y monta. Comme avant que le train ne démarrât, il jetait un dernier coup d'œil vers l'avenue, il vit une chose étrange. 3 hommes marchaient le long de la barrière qui bordait la voie. 3 hommes qu'il reconnut. Le premier, c'était De Coninck, le tailleur paralytique, qui marchait d'un pas assuré comme le plus vigoureux des piétons. Le second, c'était Jean, son fils, le quasi-aveugle, qui n'avait plus ses lunettes et se dirigeait avec assurance dans la demi-obscurité. Et ces 2 hommes, c'étaient les bandits qu'il avait attirés une première fois dans un piège. Quant au 3e, il ne le reconnaissait pas. Il était mince, cheminait à petits pas. Mais l'œil exercé du policier devina une femme habillée en homme. Berton voulut sauter à bas de son wagon pour courir après ces 3 personnages. Mais le train démarrait, il fut forcé de rester. Il se demandait s'il n'était pas devenu fou. Ce qui le stupéfiait le plus, c'était d'avoir reconnu le paralytique. Ce paralytique qui marchait si allègrement, c'était déjà étonnant. Mais quelques minutes auparavant, il l'avait vu, assis sur son établi, dans sa boutique. Il ne pouvait cependant pas avoir le don d'ubiquité. Enfin, se dit-il, faute de mieux, attendons la visite que Marthe m'a promise. Elle m'expliquera ce mystère.